baby. Tu sais pas ce que ça m'a coûté. Ouais, ce que ça m'a coûté. Ouais. Il était élevé, il était élevé. Ouais. J'ai payé le prix. Élevé. Ouais. Diront que j'ai vendu mon âme. Mais ce qui est sûr, c'est que je reviens de l'enfer. Si tu me vois aux flammes, quand c'était dur pour eux, c'était le drame. Tourné vers moi, j'étais celui qu'on blâme. J'en souffrais, mais je gardais mon calme. Trop de fois, ouais, j'ai retenu mes larmes. J'étais à Marseille, perdu trop de choses dans la tête, besoin de conseils. J'étais à Toulon, pour le respect, je dormais dehors, besoin de sleep. J'ai payé le prix. Repenser mes choix, fallait assumer, j'avais pas le choix. Chaque minute c'était la fin du mois, je comptais sur moi. Ouais, ils me l'ont fait à l'envers, je voulais pas le croire. Couteau dans le dos, je voulais pas le croire. Payer le prix, c'était deep. Manquait plus que je me fasse péter par les flics. Payer le prix, tu sais pas ce que ça m'a coûté. Ouais. Que ça m'a coûté, ouais. Il était élevé, il était élevé, ouais. J'ai payé le prix, élevé, ouais. Payé le prix, tu sais pas ce que ça m'a coûté. Élevé, il était élevé. Ouais. J'ai payé le prix. Élevé.